Ce qu'il fallait, c'était obtenir une sorte de bonne volonté entretenue de la population en l'associant, et les films ont joué de ce point de vue-là un rôle de lien, ce qui peut-être les a empêchés de jouer un autre rôle, puisqu'il était entendu que des films ethnographiques qui devaient être faits par Monique et Robert Gessin devaient être un peu le reflet de l'ensemble de l'enquête, et ils représentaient eux-mêmes une sorte de recherche ethnologique particulière, mais il était entendu qu'on devait s'arranger pour filmer et monter assez vite les premiers films pour pouvoir, à chaque étape, les présenter à la population. Et ainsi, leur montrer, d'un certain côté, un certain visage de l'enquête. La projection des films, à chaque fois, provoquait des chocs, parce que c'est aussi à ce moment-là que les gens ont vu de l'enquête quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, parce qu'ils en avaient une idée, on ne leur avait jamais expliqué exactement, ce n'était pas facile à expliquer, ce qu'on cherchait véritablement, et il y a eu, en fait, un accueil plus ou moins enthousiaste. Mais, en tout cas, il était nécessaire toujours de faire ces travaux d'approche comme si la population était par elle-même imprévisible, comme n'importe quelle population de la brousse ou de continent lointain que découvre l'ethnologue explorateur.